Chapitre 1. La ruine, l'exil. Dans une grande ville près de la mer, un homme très riche s'occupe seul de ses 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ses filles sont très intelligentes et très belles, surtout la dernière que l'on appelle depuis son enfance la belle enfant. Les 2 sœurs aînées, Rosemonde et Hortense, ont de longs cheveux châtain clair et des yeux noisettes. Mais elles sont aussi jalouses, arrogantes, paresseuses et très capricieuses. Elles ne pensent qu'à s'amuser et vont au bal ou au théâtre tous les soirs. Elles rêvent uniquement de se marier avec un jeune homme très beau et très riche. Leur sœur cadette, la belle, est encore plus belle que ses sœurs. Ses cheveux bouclés sont roux et sa peau est très blanche. Gentille et agréable avec tout le monde, elle est aussi studieuse. Et elle aime rester à la maison pour lire, jouer du piano ou encore tenir compagnie à son cher papa. Le père de la belle vend des pierres précieuses. Un jour, malheureusement, il perd toute sa fortune car aucun de ses bateaux n'est rentré au port. Toute la famille doit déménager et aller vivre dans une ferme à la campagne. Le père dit alors à ses enfants « Mes chers enfants, je suis ruiné. Nous devons abandonner nos luxueuses habitudes et quitter la ville. Mais si nous travaillons beaucoup, si nous nous contentons de peu, nous pourrons vivre dignement. » Les 2 aînés, à l'idée de travailler, refusent d'abord de partir. Mais maintenant qu'elles sont pauvres, plus personne ne veut les épouser. Finalement, elles acceptent de quitter la ville. Leurs voisins disent « Ah, ces deux-là, nous n'allons pas les regretter. Elles sont trop orgueilleuses. Maintenant, elles vont devoir travailler et aider leur père. Mais nous sommes très tristes pour la belle, car c'est une jeune fille douce et honnête. » Malgré la perte de sa fortune, la belle a encore de nombreux prétendants. Mais elle ne veut pas abandonner son père dans cette situation. Elle a beaucoup de chagrin, mais elle se dit « Pleurer ne sert à rien. Nous n'allons pas récupérer notre richesse en nous lamentant. Il faut essayer d'être heureuse, même sans argent. » Ainsi, toute la famille quitte la ville pour s'installer dans une ferme à la campagne. La belle se lève à 4 heures du matin pour nettoyer la maison. Préparer à manger. Et laver les vêtements de ses frères et sœurs dans l'eau de la rivière. Les 3 fils s'occupent des travaux des champs. Les 2 sœurs, au contraire, ne font absolument rien. Elles dorment jusqu'à 10 heures du matin, puis se promènent un peu. Elles s'ennuient et passent leur temps à regretter leur vie d'avant et leurs beaux vêtements. Elles se disent « Mais regarde notre pauvre cadette, c'est incroyable, elle semble contente de sa situation. » Le père, lui, admire sa plus jeune fille car elle est courageuse et patiente, malgré leur malheur. La belle ne reproche jamais rien à ses 2 sœurs, mais elles souffrent en silence de leur méchanceté.